les heures passées. Et je trouve jamais le repos. La nuit me parle trop fort. Je finis par penser trop. Je suis fatigué mais mon esprit laisse aucune trêve. Les pensées tournent impossible, j'arrête la relève. Je compte pas les moutons, je compte mes erreurs d'hier. Je me perds dans mes regrets comme dans une mer de verre. La ville dort mais moi je garde les yeux ouverts. Je pose des questions que le silence veut pas me taire. Je me vois grandir trop vite, perdant sans me rendre compte. Je me demande si demain je pourrais porter toutes mes ondes. J'ai plus de sommeil, plus de pause, plus de répit. La nuit me traque, serre dans ses bras sans répit. Je cherche la paix mais elle se cache derrière mes doutes. J'avance quand même, même quand je trouve plus la route. Les écrans brillent même quand je ferme les paupières. Je pense à l'avenir mais il répond jamais clair. Les plans changent vite, tout se casse en quelques secondes. J'ai 20 ans mais parfois j'ai l'impression de porter le monde. Mes potes disent ça ira mais ils savent pas tout le reste. Chaque nuit je me bats contre moi même dans ma tête. Je cache mes failles, je cache mes peurs sous des mots. Je suis debout toute la nuit mais je suis fatigué d'être fort pour les autres. Sommeil, plus de pause, plus de répit. La nuit me traque, serre dans ses bras sans répit. Je cherche la paix mais elle se cache derrière mes doutes. J'avance quand même, même quand je trouve plus la route. Peut-être que ça ira.